Je t'ai trouvé dans mes rêves et je suis devenu fou. Je t'ai donné ma main, je ne regarde plus en haut. Je t'aime, je t'aime. Quand tu parles mon amour, tu me donnes ta voix. Toujours je veux te voir, tu ne me laisses pas. Je t'aime, je t'aime. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance. Maintenant je pleure ta mort, maintenant je pleure encore. Je t'aime, je t'aime. J'ai fait souillir la terre, j'ai oublié les mots qui disent que tu m'aimes pas, que tu n'es pas pour moi. Je t'aime, je t'aime. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance. Mon ange, mais oui, je t'aime pour toujours. Ma vie, laisse-moi encore une chance.